Heureusement, Ursus n'était jamais allé dans les Pays-Bas. On lui eut certainement voulu le peser pour savoir s'il avait le poids normal, au-delà ou en deçà duquel un homme est sorcier. Ce poids, en Hollande, est sagement fixé par la loi. Dans ses voyages, il s'abstint de la Hollande et fit bien. Du reste, nous croyons qu'il ne sortait point de la Grande-Bretagne. Quoi qu'il en fût, étant très pauvre et très âpre, ayant fait dans un bois la connaissance d'Homo, le goût de la vie errante lui était venu. Il avait pris ce loup en commandite et s'en était allé avec lui par les chemins, vivant, à l'air libre, de la grande vie du hasard. Il avait beaucoup d'industrie et d'arrière-pensée, et un grand art en toutes choses pour guérir, opérer, tirer les gens de maladie et accomplir des particularités surprenantes. Il était considéré comme bon saltimbanque et bon médecin. Il passait aussi, on le comprend, pour magicien. Un peu, pas trop, car il était malsain, à cette époque, d'être cru ami du diable. Ursus n'était point un personnage inquiété par la police. Sa cahute était assez longue et assez large pour qu'il puisse y coucher sur un coffre où étaient ses hardes, peu somptueuses. Il était propriétaire d'une lanterne, de plusieurs perruques et de quelques ustensiles accrochés à des clous, parmi lesquels des instruments de musique. Il possédait en outre une peau d'ours dont il se couvrait les jours de grandes performances. Il appelait cela se mettre en costume. La cahute à roues était à lui et au loup. Outre sa cahute, sa cornue et son loup, il avait une flûte et une viole de gambe, et il en jouait agréablement. Il fabriquait lui-même ses élixirs. Il tirait de ses talents de quoi souper quelquefois. Il avait au plafond de sa cahute un trou par où passait un tuyau de poêle de fonte contigu à son coffre, assez pour roussir le bois. La nuit, le loup dormait sous la cahute, amicalement enchaîné. Homo avait le poil noir et Ursus le poil gris. Ursus avait 50 ans, à moins qu'il n'en eût 60. Il n'était pas grand, il était long, il était ployé et mélancolique. La taille courbée du vieillard, c'est le tassement de la vie. La nature l'avait fait pour être triste. Il était difficile de sourire. Il avait toujours été impossible de pleurer. Il lui manquait cette consolation, les larmes, et ce palliatif, la joie. Un vieux homme est une ruine pensante. Ursus était cette ruine-là. Une loquacité de charlatan, une maigreur de prophète, une irascibilité de mine chargée, tel était Ursus. Dans sa jeunesse, il avait été philosophe chez un lord. Cela se passait, il y a 180 ans, du temps que les hommes étaient un peu plus des loups qu'ils ne sont aujourd'hui. Pas beaucoup plus.